pas d'happy end et d'happy days. Les murs sont tapissés d'images, de photos, comme pour rapiécer les morceaux de ta mémoire, celle qui veut oublier la faiblesse de ton cœur. Pourquoi avoir flanché? Il a dit qu'il t'aimait, ou t'as voulu l'entendre tendre la corde pour soi-même, se pendre, rendre responsable, tout mettre sur d'autres, l'amour se faire prendre. À son propre jeu, faut assumer, t'es assez grande. Pas d'happy end ni d'happy days sans que t'as pas pigé. Mère, t'es mère, sans père, tu peux pas te défiler. Hey, tu peux pas te défiler. Maintenant, va falloir assumer, t'es mère. Son enfant, contre son cœur, savoir qu'on tient son propre sang. Et que sans regret de rancœur, on vive à son heure. On kiffe sa grandeur, vise pour lui des hauteurs. Moteur nos actions, on se pose en faction. Défend sa vie comme les gardes du président. Le fond, au fond, devenir parent, c'est responsable jusqu'au fond de sa tombe. Et peut-être assuré même d'en haut.